Chapitre 2e. Portons-la dans la sacristie, nous l'allongerons sur votre grande table. Massot, va chercher le docteur. Il est chez les Gervais, j'ai vu sa carriole. Qui sait, tu ne vois pas que le bébé soit vivant? Il se pencha sur la morte et mit l'oreille sur son ventre. Je n'entends rien, mais on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'il va faire, le docteur? Demanda l'autre gendarme, un peu novice. Bah, sortir le bébé, tiens. Là, en réalité, collègue, tu as deux personnes sur la table, et non une seule. » Le père Coste était très dubitatif, mais maintenant que l'affaire était prise en main par la maréchaussée, tout cela devenait un peu trop compliqué pour lui. Intérieurement, il se mit à prier pour l'âme de la jeune femme et celle de son enfant. Il y eut une période de flottement pendant laquelle les gendarmes ne savaient plus quelle attitude adopter, ne voulant pas trop s'avancer sur les causes de la mort, le froid, la faim, la peur. La peur non, car on ne s'allonge pas de la sorte quand on est sous le coup de l'affolement. Aucun des deux gendarmes ne reconnaissait la jeune femme. Pourtant, à l'évidence, elle ne devait pas venir de loin, à moins qu'elle eût été amenée là par quelqu'un qui, constatant sa mort, avait jugé bon de la déposer dans une église, façon comme une autre, de lui rendre hommage et de la faire prendre en charge par les autres, sans se dévoiler. Les trois hommes furent tirés de leurs réflexions par l'arrivée brutale du troisième gendarme, talonné de près par une femme d'une quarantaine d'années, échevelée, suivie d'un jeune homme grand et fort. Tous deux paraissaient dans un état d'extrême excitation. Dès qu'ils aperçurent la jeune femme allongée dans la maigre clarté de la sacristie, ils se précipitèrent sur la table pour étreindre le corps et le couvrir de pleurs et de baisers. « Et voilà !» se lamenta le père Coste à voix basse. « On a trouvé d'où venait cette fille, pour le grand malheur de ses proches. Comment ne l'ai-je pas reconnue ?» C'est Giglio, là, la fille de la Faustine, et l'autre, c'est son mari. Il faut dire que le père n'avait jamais vu Giglio là si calme, si immobile, si pâle, elle qui était toujours en mouvement, avec son visage rose aux expressions si variées et si promptes. Je savais bien qu'il lui était arrivé malheur, gémissait la femme. Jamais elle n'a disparu sans nous donner de nouvelles. Et l'enfant? Demandait le jeune homme, les yeux pleins de larmes. « Oh mon Dieu, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment ça se fait qu'elle est là ?» Aucun des présents ne pouvait apporter de réponse à ces questions bien légitimes. Sur ces entrefaites, le docteur Kerr arriva enfin, un géant dans la sacristie, créant un courant d'air par son seul déplacement, faisant voler sa pèlerine. « Ne touchez à rien, nom de nom, écartez-vous! Allez, de l'air et de la lumière! Parbleu, ce n'est pas ici qu'on veille les morts !» Il en fut fait selon ses volontés, et tous les assistants se réfugièrent dans l'église. Pas question de contrarier le docteur Kerr, sinon il était capable de s'en retourner comme il était venu. Au bout d'un quart d'heure, il rappela son monde. D'un abord rugueux, Kerr ne manquait pourtant pas de délicatesse. Il avait laissé la jeune femme dans l'état vestimentaire où il l'avait trouvée, comme s'il ne l'eût pas touchée. Il préféra s'adresser à la mère plutôt qu'aux gendarmes, qu'il n'appréciait guère. « Ma pauvre Faustina, votre fille était en parfaite santé. D'abord, j'ai cru à une récidive de choléra, mais heureusement, il n'en est rien. Je suis persuadé qu'elle est morte d'asphyxie. Pas besoin de la charcuter pour le prouver. Quant au bébé, malheureusement, il ne vit plus. » Le chef des gendarmes intervint. « Qu'est-ce que vous entendez par asphyxie? Elle est tombée dans la neige, dans l'eau? Et comment est-elle arrivée jusque-là ?» Kerr secoua la tête, comme découragé par si peu de discernement. Elle a été victime d'une agression, bien évidemment. On l'a portée ensuite jusque dans l'église. « On l'a violée ?» demanda le mari anxieux. « Non. Et je peux certifier que l'on n'a pas touché à ses vêtements. Ses jupons étaient bien serrés à la taille, ses bas en place, et son corsage bien boutonné jusqu'en haut. On ne l'a pas non plus étranglée. Il n'y a aucune marque sur le cou, pas de trace de cou. Rien. » À mon avis, on l'a étouffée avec un linge ou un coussin. Peut-être avec le drap qu'elle avait sur la tête. Elle a dû se défendre. Regardez sous ses ongles, il me semble bien que c'est du sang. Elle a certainement griffé son agresseur. Ça a dû se passer hier vers les 6 heures. C'est tous des pourris ici, s'emporta le jeune homme. C'est pas parce qu'on n'aime pas les Italiens qu'il faut s'attaquer à une pauvre fille, et enceinte en plus. Je vous maudis tous, jusqu'à la dernière génération. Fili di pute! « Oh là !» intervint le père Coste. « Ne blasphémez pas dans la maison du Seigneur. »« Ferme-la, Giuseppe !» rugit le brigadier. On est tous à moitié italiens ici. Moi, je suis né à Argentera et ma mère y habite toujours. Essaie plutôt de te souvenir si tu n'as rien vu d'anormal hier. Et vous, Faustina ? Il était vrai que Giuseppe avait quelques raisons de se montrer haineux. Plus bas, dans la vallée, les macaronis, comme on les appelait, n'étaient que vaguement tolérés dans le pays. On les accusait de voler le travail des gars du coin et de faire baisser les salaires. Il y avait bien eu quelques pierres jetées ici ou là, quelques crachats, injures et horions échangés, mais ça n'avait jamais été jusqu'au meurtre ou l'assassinat. En revanche, sur la frontière, les gens ne faisaient guère de différence entre eux. La tension retomba et chacun réfléchit. Gigliola avait quitté le logis pour porter du linge propre à une voisine malade en début de soirée. À la nuit tombée, il n'y avait personne, et le moindre intrus pouvait se remarquer. Finalement, Faustina se souvint avoir entendu les pas d'un cheval. Peu d'habitants du coin en possédaient. Les gendarmes se regardèrent. Aucun d'eux ne s'était déplacé à cette heure-là. Le père Cosse finit par croire que lui aussi il avait entendu des bruits de sabots, mais il n'osa l'affirmer. Passant par là, une colporteuse jura mordicus qu'elle avait vu un grand homme à cheval, emmitouflé dans un ample manteau, l'air redoutable. Cette colporteuse vendait de la petite mercerie de première nécessité, mais sa spécialité était surtout des articles de ferblanterie, du gobelet à la grosse bassine. C'était un personnage haut en couleur qui méritait qu'on s'y arrêtât. Il était rare que les colporteurs, nombreux dans la région, fussent des femmes. Celle-ci traînait un âne neurasthénique attelé à une carriole contenant tout son stock. Connue sous le nom d'Emma, elle montrait un visage tanné par le soleil, le vent et le froid, et sa joue portait une vilaine cicatrice, gagnée dans un combat au corps à corps. Massive et solide sur ses pieds, elle était de taille à se défendre seule et tenait toujours à portée de main un mousquet chargé à mitraille, dont elle n'hésitait pas à se servir dans le besoin. Elle racontait fièrement qu'elle avait déjà tué froidement 4 brigands qui tentaient de la dévaliser. Un chien, vilain mais efficace, la suivait comme son ombre et gardait la nuit sa maîtresse et son chargement. Native de Coni, elle passait depuis longtemps dans la contrée justement quand ses confrères originaires de la vallée allaient vendre ailleurs, quelquefois à l'autre bout de la France. Elle n'avait donc guère de concurrents et était sur tous les marchés. Revenant à la présence d'un cheval, le docteur Kerr ajouta « Une monture expliquerait tout. Le meurtrier étouffe, dit Cléola. Il la charge en travers de sa selle et l'amène ici où il la dépose devant l'autel de la Vierge. « Mais pourquoi précisément là ?» s'interrogea un gendarme. « Parce qu'il regrettait son forfait, s'enhardit le père Coste, et qu'il voulait vouer sa victime à la Vierge Marie en expiation de sa faute. Ça explique la chandelle qui veillait le corps, la fleur et le crucifix. Peut-être que s'il avait eu le temps, le bandit l'aurait enterré chrétiennement. » Ces explications, frappées au coin du bon sens, semblèrent satisfaire tout le monde. Un gendarme enfourcha sa monture et partit au galop vers Barcelonnette pour prévenir le procureur impérial. Les deux autres commencèrent dans l'heure une enquête de voisinage. Bien que le père Coste et le docteur fussent restés très discrets, la nouvelle alarma quand même toute la contrée. Le jour de l'enterrement, on remarqua dans l'assistance des visages totalement inconnus. L'assassin était-il parmi eux ? Dans sa douleur, le mari ne décolorait pas et cherchait noise à tout le monde. Pour les gendarmes, il fallut faire le tri entre les fausses informations, lâchées pour se donner de l'importance, et les vraies, qui se reconnaissaient par recoupement. De celles-ci, il ressortait que l'homme recherché était entre deux âges, assez grand et mince, vêtu d'une ample pèlerine, de pantalons bleus, coiffé d'un chapeau à large bord ou d'une grande écharpe en cas de vent, chaussé de belles bottes de cavalier en bon état. En revanche, peu de renseignements permettaient de décrire son visage. Au mieux, on pouvait supposer qu'il devait porter des griffures aux joues ou aux mains. Il chevauchait une belle bête, bien soignée. Un matin, un paysan surprit l'homme dans un bois du ravin de Combal, en train de bouchonner sa monture. Se coulant derrière un bosquet de jeunes sapins, il se mit à l'épier. Ayant servi dans la cavalerie, le paysan fut intrigué par le harnachement du cheval. Il courut en informer le brigadier Massot. « Je l'ai vu. J'ai bien regardé les harnais de son cheval. Je suis sûr que ça vient de l'armée. C'est bien un dragon qui devait être à Solferino. »« Là, je t'arrête tout de suite, monsieur, je sais tout. À Solferino, il n'y avait pas de dragon vu qu'ils avaient été dissous bien avant. Ça doit être un hussard, notre client. C'est vrai que leurs chevaux ont des harnais caractéristiques. Tous ces détails firent en effet penser à un hussard, qui, peut-être, après avoir participé au combat autour de Solferino, avait déserté en se débarrassant des pièces d'uniforme les plus reconnaissables. Les gendarmes s'aperçurent vite que les témoignages émanaient de personnes de plus en plus éloignées de l'arche. De toute évidence, le cavalier descendait la vallée à petite allure en suivant le cours de l'Ubayette. Ils décidèrent donc de passer le relais à leurs collègues de Barcelonnette et en informèrent le procureur impérial.